C'est fou comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Paul is Dead. Et les Incorrigibles sont encore une fois avec nous pour parler de rien de spécial. Tout ça, c'est à Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, votre émission du retour en pièces détachées sur les ondes de C'est fou. Salut Mathieu Plante. Salut Kiwan, nom de famille inconnu. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. On connaît pas le nom de famille des gens à la maison non plus, mais on est très heureux de les avoir avec nous. Ben oui. Écoute. Pour l'émission aujourd'hui qui va être, comme d'habitude, bien chargée. Comme tous les mercredis, on va recevoir les Incorrigibles, ça va être vers la fin d'émission, ça. On sait pas de quoi ils vont nous parler encore une fois, hein? Rien de spécial. Surprise, on espère qu'ils vont être là seulement, on se croise les doigts. C'est ça, au moins une personne dans le quatuor grandiose qu'on appelle les Incorrigibles, qui d'ailleurs vont figurer dans le prochain numéro du Zone Campus. Ah oui? Avec une photo en plus. T'as l'air au courant. Ah que donc, oui, beaucoup trop. Sinon, on va aussi avoir Simon Fitzbé avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll Paul is Dead, et il va continuer et terminer sa série là, sur... C'est-tu l'amour ou la mort? En tout cas, il a parlé de plein de choses, d'amour et de mort, surtout dans le mois de février. Donc, ben, c'était des histoires d'amour morbide qui se finissaient dans la mort, ou sinon, c'est ça. C'est jamais très, très ensoleillé, les chroniques Paul is Dead. Ouais, les dernières semaines, il était sombre un peu, puis on continue dans cette ligne-là aujourd'hui, apparemment. Peut-être qu'on verra la lumière au bout du tunnel un jour. J'espère. Peut-être. Mais on va commencer comme toujours en musique, c'est ce qu'on aime faire, c'est notre dada. On va écouter un extrait du palmarès francophone. C'est Patrick et les Brutes avec la pièce « Toutes les filles sont folles de moi » à Assemblage Requis. Dada, danse dans ma tête. Ah, d'Orange-Orange? Ben oui, l'original d'Orange-Orange. On devrait la faire jouer. Non. Son ami encore mineur, la coqueluche. vient d'entendre le groupe Silver Starling avec la pièce Closer, assemblage requis sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Et si ça vous tente de faire une bonne action pour aider les enfants soldats ou les War Child, c'est vraiment enfants soldats, c'est pas juste les victimes de la guerre, ou je sais pas, en tout cas. Bref, si ça vous tente de faire une bonne action, vous aimez Silver Starling, peu importe, vous pouvez les aider parce qu'ils font partie d'une espèce de mouvement qui s'appelle Busking for Change, mais la version Montréal, je ne sais pas si tu connais Busking for Change. Non, du tout. Ça a été commencé par Josh Pike il y a quelques années. C'était en Australie et je crois même que tu m'en avais déjà parlé. C'est une action qui est mise en œuvre en fait pour aider à l'alphabétisation des peuples autochtones d'Australie. Donc, il a commencé à faire des spectacles gratuits comme ça où il vraiment demandait la monnaie des gens, des spectacles vraiment dans des endroits publics là, sans réserver aucune salle, rien. Et il remettait l'argent tout simplement à cette fondation pour l'alphabétisation des populations autochtones. Et là, ici, la version Montréal, donc Busking for Change Montréal, a choisi comme cause donc aider les enfants victimes de la guerre ou les enfants soldats, les War Child, bref. Et la façon que vous pouvez aider le groupe et en fait leur remettre votre argent, c'est tout simplement en fréquentant le métro de Montréal le 2 mars prochain, c'est mardi prochain. Ils vont faire des prestations dans les endroits qui sont réservés aux musiciens dans le métro de Montréal. Donc il va y avoir plusieurs artistes là, pour l'instant. Je peux seulement vous donner comme les dates, les heures spécifiques pour Silver Starling qu'on vient d'entendre. Donc le mardi prochain, le 2 mars, ils vont être à la station Berry entre 8h et 8h20. Et ils vont être à la station... Non, en fait, c'est Place des Arts, 8h, 8h20 et Berry-UQAM. 9h, 9h30. Donc, en avant-midi, bref, vous faites vous passez. Si vous passez par Montréal ou vous nous écoutez depuis Montréal, bien, vous allez peut-être voir un groupe qui s'appelle Silver Starling, que vous connaissez probablement parce que c'est vraiment très bon, qui joue dans le métro. C'est pas pour payer leur loyer, c'est vraiment pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre. Et traînez donc de la monnaie. Il n'y a plus personne qui traîne de la monnaie de nos jours. Là, pour ce jour-là, traînez-en. Voilà. Ou du plastique, hein? Mot du plastique. Donc, vous pouvez faire un chèque aussi au pire. Ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'ils vont le prendre. Amenez une valise avec des millions de dollars dedans. Ça va être merveilleux. Donc, très bon conseil. Faites donc ça. Vous êtes toujours Assemblage requis jusqu'à 17h. On se fait une petite émission du retour en pièces détachées. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. C'est tout nouveau. Émission du retour en pièces détachées. C'est jamais vu. J'ai inventé ça. On va passer à un beau petit bloc. Oui. Beau petit bloc musicalement excellent, je dirais. Oui, ça va être assez dansant comme bloc même, je dirais. Et c'est pour faire honneur finalement au bal masqué de Bande à part et de Sirius qui a lieu dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. Festival Montréal en Lumière qui est déjà commencé. Hein. Ça a été inauguré jeudi dernier avec un spectacle gratuit de Malajube au Vieux-Port de Montréal. Et en fin de semaine, donc le 27 février samedi, c'est le bal masqué de Montréal en Lumière. C'est gratuit. Et c'est au Métropolis. Il va y avoir entre autres DJ Annie Q, Xavier Caffeine, les Breastfeeders, Duchess 16. Il va y avoir aussi plus tard en soirée Mister Valère et DJ Hatchmatic. Oui, au travers de ça, il y a un groupe surprise qui. Ça vient d'être annoncé, c'est là. Oui, c'est ça. Si on regardait depuis des semaines sur la programmation du site Montréal en Lumière, on voyait un groupe surprise qui a la gueule. Puis c'est toujours ça, en fait, aujourd'hui. C'est encore ça qui est marqué dans la programmation officielle de Montréal en Lumière. Mais si on va sur le blog ou sur la page Facebook du groupe en tant que tel ou de Bande à part, on peut savoir enfin c'est qui le groupe surprise. Et là, attention, Radio! Oui, radio dans vos oreilles, toi. Voilà, donc on va se faire un petit bloc spécial bal masqué qui commence avec du radio tout de suite à Assemblage Requis. Je pense à dire, c'est quoi le groupe là, qui fait le bal masqué? La compagnie créole. Personne n'a fait cette joke-là, je suis sûr, à propos de ça, moi. Ou Waving Hand aussi. Ah, c'est vrai! Moi, je suis un enfant spécial avec des pensées régales qui joue dans des festivals. Nakimo, Nakishego, Akistin Fima, vraiment tu ce que t'es. Si t'as vu drôle pour le fun, veux-tu en discuter? Ton psychiatre a une prescription pleine de Ritalin, halogène ou Valium, des enfants spéciaux avec des pensées spéciales. Hello, si t'es au multitask, il faut que tu pick up le check avec une face comme ce sec. Au moins ma métro, je suis cute, à même ramener si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, wesh, pour avoir un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux.

Ben oui, j'ai préparé du Gatineau. Pourquoi du Gatineau? Parce que c'est bon en salle. C'est ça, Gatineau, c'est bon. Par contre, ce qui vient de jouer, c'était Dutch 16 et la pièce Black Flag. Au 89.fm, un vieux succès des palmarès. Dutch 16. Muy bueno, excelente. Muy caliente. Mm-hmm. Non? Tout à fait. C'est chaud. Donc, tu nous as préparé du Gatineau, tu disais. Oh, yeah, that's right! Voici Gatineau qui prépare un nouvel album. Hein? C'est pas encore défini quand est-ce que ça va sortir, mais ouais, ça s'en vient, je pense. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Ce serait temps parce qu'il est bon en salle! Je sais pas si c'est rendu mon expression de la journée, ça. Pourtant, je me suis lavé. J'ai aucune fibre sale en moi. Ouais. Vous êtes assemblage Rocky, 89.fm. Pas le choix, soit qu'il fait trop frette, soit qu'il fait trop chic, soit t'arrives trop down, soit t'arrives trop tôt. Y'a tout le temps quoi. La vie est faite de moi, t'as pas le choix. Soit qu'il fait trop frette, soit qu'il fait trop chic, soit t'arrives trop down, soit t'arrives trop tôt. T'es heureux, mais ça dure jamais longtemps. Faut que tu penses à descendre, tout en montant. On vit avec au-dessus de la tête, une épée dans mon slice in mine. Que ça passe, que ça dépasse. Ça va bien. Je m'attends à voir une règle, j't'habite au malheur. J'connais l'air pis la musique quand j'essaie de m'en sortir. Il faut que ça barbe, c'est toujours trop mon chemin. Faut que je leur parle. Si je me maintiens juste un peu en équilibre. Si jamais je réussis à rester juste un peu libre, c'est pas long que la vie m'aide née dans l'arbre. Que j't'arrive dans une relation. Puis je m'attarde, m'habite dans une cage, aussitôt que j'y entre. J'confonds le bourreau avec l'espace qui se trouve. La folie de l'autre avec celle que j'en ai deux temps. Ça me stresse, au lieu de me détendre. Et tout le temps, la vie est faite de moi, t'as pas un choix. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. Y'a tout le temps quoi. La vie est faite de moi, t'as pas un choix. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. Du mois de la mort et on le termine parce que là, ça va faire les morts à un moment donné. Là, revenez à la vie. Alléluia! C'est fou, 89.1. Écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Oui, vous écoutez toujours Assemblage Requis sur les ondes de Sifu en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et maintenant, on accueille Simon Fitzbay pour sa chronique Paul is Dead. Tous en cœur, attention. Tous les 300. Oui! Oui!

le jeudi à midi. C'est à l'intérieur du dîner de con qui, lui, est entre 11h et 13h. Écoutez, non, émission complète à la place de juste s'intoniser à midi, s'il vous plaît. Ben oui, mais restez sur les ondes de ces fous toute la journée. Forever and ever. Et aussi, ben, on te retrouve aussi mercredi prochain ici à l'émission. Ben oui. Avec une autre chronique. Yes. Voilà. Merci encore une fois, Simon Fitzbé. Nous, merci, ben, on termine la première heure d'Assemblage requis. En ce moment même, un peu en retard, mais quand même, c'est pas grave. Il va y avoir une deuxième heure tantôt avec quoi donc? Avec les Incorrigibles, entre autres, qui vont nous faire un tour, on le souhaite. Restez là. Sinon, ben, on jasera deux autres pareils. Hein? Ben oui. L'émission où la vigilance auditive est nécessaire, mais où le plan est inclus. Ça s'appelle Assemblage requis avec nous, Kiwan et Mathieu, jusqu'à 17h. Simon Fitzbé est encore avec nous, encore et toujours. Yeah, rock on. Rock on, motherfucker! Hey, c'est pas beau, tu les gros mots. Non, mais c'est en anglais, personne ne comprend. Donc, deuxième heure où il va y avoir une chronique, et là, on va vraiment souligner le mot humoristique parce qu'eux, ils sont drôles. Les Incorrigibles d'ici la fin de l'émission. On sait pas de quoi ils vont parler, mais c'est quelque chose qui est pas très spécial apparemment. Si on continue à leur dire qu'ils sont drôles, ils vont le devenir. C'est de l'enforcement positif. Ou ils vont le croire, en tout cas. Ouais, ou ils vont le croire. Ça, c'est le best. En tout cas, pour se croire, ils se croient. Bon. Sinon, on a reçu un téléphone pendant la pause d'une auditrice, Caroline, qui nous disait d'aller voir absolument Avatar là, avant que ça soit plus au cinéma. Oui, parce qu'on en parlait tantôt. On se demandait si c'était encore à l'affiche. On se disait qu'il fallait aller le voir. Et apparemment, il faut... Ben moi, je l'ai vu, mais apparemment, c'est ça. Faut pas le manquer. Et toi, t'es pas super de cette vie-là ou quoi? Ben moi, parce que je trouve qu'il y a trop grande réaction par rapport à ce film-là. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire tout ce que j'ai entendu. Je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai entendu de ce film-là. Parce que moi, mes références étaient vraiment que c'était le meilleur film au monde et qu'il fallait le voir plusieurs fois, tous les jours, si possible. Ben, j'exagère, là, mais bon, j'ai quand même aimé. Puis c'est le genre de film que j'aime pas, généralement. Mais je l'ai aimé quand même. Mais j'ai aimé aussi les effets 3D puis ouais, l'histoire en général. C'est un bon film. Moi, j'ai trouvé par la bande-annonce que ça avait l'air très grandiose. Ça avait l'air comme trop, là. Tu sais, genre, comme il y a un beurre épais, un peu comme genre Seigneur des Anneaux. Ouais. Mais tout le monde me dit vraiment d'aller le voir. Fait que je vais sûrement aller voir. C'est le bon. Il y a aussi le battage médiatique qui a été très, très fort autour de ça. Puis même après, tu sais, c'est le temps de savoir est-ce qu'il va battre Titanic. C'est James Cameron. Donc, mais par exemple, il y a un paradoxe intéressant à faire que j'ai trouvé très, très cool. En fait, lorsque j'ai pensé à ça, je sais pas si ça va sonner aussi bien. Tu t'es trouvé vraiment intelligent quand t'as trouvé très intelligent. Mais James Cameron a comme sonné la fin des films traditionnels avec Titanic, tu sais, c'est qu'on n'utilisait pas d'effets par ordinateur ou on utilisait des gros budgets pour faire vraiment des grosses maquettes, des choses comme ça. Et il ouvre l'ère d'une nouvelle technologie, si on veut, après une couple d'années à mélanger, faire des essais-erreurs. Il ouvre l'ère des nouveaux films avec beaucoup de 3D, des films grandioses en trois dimensions, en plus avec des lunettes. Là, tu sais, quand je disais 3D, c'est fait par ordinateur. Je sais pas si c'est plausible, mais en tout cas, c'est vrai que pendant The Titanic et Avatar, il n'y a rien eu. Tu sais, James Cameron est tellement bon. Mais ça, c'était ironique. Par exemple. Bon, ouais. Mais non, en tout cas, on parle pas nécessairement de petits films d'auteur, des films avec 20 millions de budget. On parle de gros films à gros budget. Titanic a été le dernier traditionnel et Avatar probablement le premier des nouveaux. Ouais. À part Seigneur des Anneaux, mettons, qui est une exception. Bon point. On va réflexionner là-dessus. On va vérifier jusqu'à quand qui va être en cinéma parce que sinon on va vraiment le rater. Là. Ouais. Ça fait tellement de semaines qu'il est là. Une chose de sûr, c'est que si vous prévoyez le voir, là, attendez pas de le voir en DVD. Là. Allez le voir tout de suite au cinéma. Ben, c'est parce qu'il faut le voir en 3D. C'est ça, ouais, ça va le faire. Voilà, on va écouter une pièce de Flight of the Conchords, les gars, parce que j'ai pas encore écouté la série 2. Je l'avoue, je suis le plus grand fan que je connaisse de la série 1 de Flight of the Conchords, mais je me garde la 2 pour l'écouter d'une chouette. Ah, pareil qu'elle est pas bonne.

Side de Winter Gloves, comme ça, sur une note rapidement, ça, comme on aime ça, une chanson qui finit sur une note qu'on aime. Moi, j'apprécie cette note-là. Ouais, Winter Gloves vont être en spectacle pas trop loin d'ici, hein, demain soir, le 25 février. C'est à Victoriaville, au Vieux-Saint-Pierre. Ils sont en train d'enregistrer en plus des nouvelles pièces pour un nouvel album. Et en plus, ils ont un album de remix qui est en train de. Qui est à veille d'être prêt. Là, ça, c'est au, c'est les, ils sont en train de faire les dernières retouches là, pour que tout soit prêt bientôt. Pas de date vraiment. Je sais pas s'ils vont faire officiellement un lancement, là, vu que c'est un album de remix, mais en tout cas, il y a des nouvelles pièces aussi, carrément des nouvelles pièces qui s'en viennent prochainement, sont en enregistrement présentement. Ça, c'est clair que ça va jouer à la tonne ici. Ça va être assez attendu, ça. Puis pas juste ici à C'est Fou, pas juste ici au Québec, mais pas mal partout à travers l'Amérique du Nord. C'est un album qui est assez attendu, le prochain de Winter Gloves. Une autre chose que vous devriez écouter à la tonne, Simon prend ça en note tout de suite dans ta main, sors un crayon, écris ça dans ta main. Oui. AssemblageRequis.com, tu vas télécharger toutes les balado-diffusions de l'émission depuis la première d'Assemblage Requis. Là, tu en as environ, je pense, c'est une 91aine à télécharger. Tu mets ça dans ton iPod Player Tweety Bird, et puis tu fais play, tu les écoutes un après l'autre, tu te dis wow! C'était à la radio, ça? C'est ça. Bonne idée. Tu as joué à la radio? Très, très, très, très, très bonne idée. Merci. Je vais le faire, je vais m'écouter dans mon iPod pour question d'être amoureux de moi-même encore plus. T'as l'air à ça, tu vois. Ouais. C'est beau, ta propre face sur ton propre chandail. Oui, hein? Ouais. J'adore ça. C'est pas vrai du tout. Ben oui. Oui, oui, excuse-moi. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Brise pas la magie. Magie! C'est le mot que j'utiliserais pour qualifier cette émission. Elle est magique. On devrait engager Joël Lejeune qui faisait Hey, j'ai écouté leur thème justement en fin de semaine. J'ai eu un trip de thèmes de chansons, de thèmes d'émissions d'enfance. Puis je suis tombé là-dessus. Et c'est là que j'ai vu la différence d'âge. Ma blonde qui a quoi 4 ans de moins que moi. Puis elle connaît pas. Ben elle a des vagues souvenirs d'Inimini-Mijimo. Moi, je les ai toutes vues quand j'étais jeune. Je sais pas, vous autres aussi, ouais, j'imagine. Ouais, moi aussi, ouais. Non, moi, j'ai pas vraiment. Ben, je pense que oui, mais c'est trop loin. Je me rappelle pas. Il y a des trucs pas vus. Inimini-Mijimo pas vu. Star Wars pas vu ça. Star Trek non plus. C'est l'air des anneaux non plus. Moi non plus, ça, par contre. Non. Star Wars et Trek, là. Non, pas. J'ai vu les Harry Potter à cause de ma blonde. Les Twilight. Oh non, pas les Twilight. Vous avez pas vu, vous avez pas vu Star Wars, pour vrai? Ouais, mais là, Mathieu, tu mélanges Twilight avec Inuit Majimo, là, ça a comme pas rapport. Ils sont aussi maquillés pour que les, pour les enfants aussi, Twilight. Aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'était à la radio, ça. Ça n'a pas de sens. Ça devrait pas. Ah, OK. On s'en va entendre The 88. Je t'ai fait entendre pour la première fois hier et je me suis dit, si je t'ai fait jouer souvent, tu vas commencer à vraiment l'aimer. Voici The 88 et Love is the Thing. Suivra les trois accords. OK. Ça te va? Sûr. C'est noté. C'est noté? J'attends. L'as-tu écrit dans ta main? Non, t'insistes vraiment hein, pour qu'on prenne des notes dans nos mains. C'est tellement propre. Ah, moi, je donnerais un truc aux gens. Si vous voulez pas salir vos mains, utilisez vos poignets. Moi, je donnerais un autre truc aux gens. Mettez un sac de plastique sur votre main. T'as plus des gars de papier. Des feuilles, ouais. C'est des blocs-notes, vous autres, non? Non, non, non. Naturel, vous autres. To make a sound, and a man came to me. He said, I think I know exactly what you need. He told me. Love is the thing, the thing you ought to try. No need to ask me why. He said, love is the thing, the thing you ought to try. Yes, love. Kennedy. Les trois accords et croquer les coups. Restez avec nous parce que plus tard, on parle de robots dans la chronique technologique. C'est NX. Écoutez, Kiwan et Mathieu, assemblage requis. We'll be right back. Caribou! C'est violent comme nom. Hein? C'est... Oui, Caribou. Canadien Caribou avec la pièce Odessa qui va être sur leur prochain album qui sort le 19 avril prochain. L'album s'appelle Swim. Je peux dire que je trouve que le nom, ça a l'air vraiment mauvais quand tu m'as dit, genre, je veux jouer du Caribou. Du Caribou! Du Caribou! Oh, le Caribou. En plus, la vidéoclip pour cette pièce-là, je l'ai pas écouté au complet. Je l'ai entrevue, mais ça a l'air un peu sanglant, justement. Là, donc, ouais, ça a l'air une histoire nordique sanglante. Une histoire cornue. Cornue. Corne, mais, corne. Ouais, mais c'est pas vraiment de cornes, les Caribous. Non, plus, c'est pas eux autres. Plus des bois. Je des bois. Est-ce que le vidéoclip a coûté 25 cents? Ça pourrait être une autre. Très bonne ça, question. C'est un caribou qui a sur les 25 cents? Très, très bonne question, ça, Mathieu. Ou un orignal? Toutes des questions dans lesquelles, auxquelles on ne répondra pas dans la chronique CNX qui s'en vient. CNX, la chronique de la vie de la radio. Tesh.com Il y a beaucoup de beats en arrière. Nos amis les robots. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, la chronique la plus geek de la radio, on parle de robots. Donc, nos amis les robots, hein, eux qui seront nos futurs maîtres sur cette terre un jour. Donc, commençons par une nouvelle assez intrigante sur un robot montréalais hein, qui va jouer dans une compétition de soccer, selon la presse canadienne. Une quarantaine d'élèves de 4 écoles secondaires publiques de Montréal ont mis 6 semaines à fabriquer un robot capable de jouer au soccer. Leur robot, présenté au public très récemment, participera à une compétition internationale appelée FIRST au début du mois d'avril à Toronto. Les jeunes ont obtenu l'appui d'entreprises et d'institutions financières puisque la construction du robot a coûté plus de 25 000 $. Ils ont travaillé en collaboration avec des étudiants de l'école polytechnique notamment et des mentors de chez Bombardier et CAE. Ce projet de fusion jeunesse vise à promouvoir l'innovation technologique, mais aussi à inspirer les jeunes à se lancer dans les études scientifiques. C'est ça. Donc, des robots, un robot de Montréal. Et en même temps, peut-être que ça pourra contribuer à rehausser la force du Canada à l'étranger en soccer. Tu sais. Oui, et en robot. Peut-être pour les prochains Jeux olympiques d'été, peut-être qu'on aura enfin une équipe qui va se qualifier avec des robots, peut-être. Qui sait? Parlons maintenant de Snackbot, qui est une machine distributrice ambulante. 2 ans de travail à l'université Carnegie Mellon par Paul Ribsky et son équipe d'étudiants. Les esprits, les génies combinés de 17 autres membres de la faculté là-bas et 20 000 $. Un petit cocktail qui a coûté 20 000 $ là. Attends, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis n'importe quoi ici. Je dis n'importe quoi. Mais ça n'a même pas rapport. Un système de navigation par laser qui a coûté 20 000 $. Il y a aussi des senseurs par sonar. Tu connais les sonars? Oui, bon. Sous l'eau, là. C'est ça. J'ai vraiment aucun sens dans mes expressions anglophones aujourd'hui, moi. Et des yeux avec des caméras à l'intérieur. Ça a mené à une invention assez extraordinaire qui s'appelle le Snackbot. Oui, Snackbot, collation, robot mélangé ensemble. C'était écœurant. Donc, c'est un robot qui sert des collations. Mais le Snackbot, c'est pas qu'un serveur, par contre. Non, c'est aussi un appareil, un robot qui a une personnalité, si on veut. Au moins, selon Ian Daly du New York Times. Donc, il dit, et je cite, « Hello, I'm de Snackbot », dit-il dans sa voix qui ressemble à Al 9000 dans le film 2001 Odyssée de l'espace que j'ai pas vu, évidemment, un autre film culte que j'ai pas vu. Un classique de Kubrick. Et voilà. Donc, c'est ça, il dit ça avec sa voix qui ressemble à 2001 Odyssée de l'espace. Il y a une bouche avec des lumières là qui parle en même temps, genre qui bouge en même temps que ce qu'il dit. Il dit « Je suis venu pour livrer votre collation, Ian. Est-ce que Ian est ici? » Le correspondant disait « Oui, je suis là. Bonjour. » Le robot a répondu « Oui, voici votre commande. Je crois que c'était une barre de granola, n'est-ce pas? » Puis là, le gars, il répond « Oui. » Puis là, il rajoute une petite blague. Le robot fait une petite blague. « Personnalité, hein, tu sais, enfantine. » Mais si t'as pas vu le film, Mathieu, t'as sûrement vu la parodie des Simpsons. Non. T'es sûr? Je sais pas, peut-être. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait dans la parodie? Ben, ils sont dans un vaisseau, là, puis finalement, le robot, l'ordinateur de bord du vaisseau spatial veut s'en prend à Homer, veut l'expulser du vaisseau. Non, ça dit absolument rien. Non. OK. Non, du tout. J'ai vu celui avec les fourmis, c'est pas celui-là. Non. Ils sont dans l'espace quand même, dans ce vaisseau. Ils mangent des chips en tournant. Non, c'est pas celle-là. ils sont rendus qui vont deux fois dans l'espace, les Simpsons. Ils en font beaucoup de choses. Bref, pour en revenir à l'article... Ils sont bien plus hot que Guy la Liberté. Et que nous autres. Ils vont deux fois. Ouais. L'équipe de Carnegie Mellon derrière le Snackbot voulait développer un robot qui les aiderait à étudier les interactions entre humains et machines. La meilleure façon, selon eux, était d'offrir des collations aux gens donc pour aider à voir l'interaction qu'un humain peut avoir avec une machine. Recherche scientifique très, très futuriste. Ouais. Maintenant, passons en Corée. Oui, c'est vrai, parce que là-bas, on manque de professeurs d'anglais. Donc, des écoles en Corée du Sud ont commencé à expérimenter avec des robots instructeurs qui ressemblent un peu à des personnages de dessins animés. Et selon les élèves, ces enseignants-là sont pas si pires que ça. Et en fait, ils donnent de plutôt bonnes notes. C'est ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils les trouvent bons, en fait. C'est un peu pour ça. Ouais. Après plusieurs mois d'essais, la Corée du Sud va dépenser environ 45 millions de dollars pour remplacer leur... pour placer des professeurs robotisés, mais sûrement pour remplacer certains enseignants, qu'en sais-je, dans 500 000 petites écoles d'ici à 2011 et dans 8 000 autres petites écoles et jardins d'enfants, des kindergartens, d'ici à 2013. Et si le programme fonctionne bien, les robots qui, en passant, enseignent par reconnaissance vocale, hein, et par technologie d'apprentissage à longue distance. À ce qui paraît qu'ils pourraient envahir les écoles élémentaires aussi. Et là, j'ai de la misère avec mes termes, là, le preschool, c'est la pré-école, comment ça dit ça? Et elementary school, l'école primaire. En tout cas, c'est l'école avant primaire. Avant primaire, ok. Hein? Ils ont beaucoup plus de niveaux d'école qu'ici. Bref. Quand même, les jeunes étudiants ont pas l'air d'être trop dérangés par ces robots professeurs-là. Et même qu'un reportage des nouvelles coréennes disent que les étudiants trouvent les robots assez gentils et faciles, à interagir avec eux. Mais dans les vidéos que vous pouvez voir dans l'article sur assemblagerequis.com, les étudiants se frustrent des fois par le logiciel de reconnaissance vocale. Apparemment que il y a de la misère le robot avec les accents, à interpréter différents accents à l'intérieur de l'anglais, c'est l'accent britannique, l'accent écossais, je sais pas. Donc des fois le robot a de la misère avec ça, mais bon. Un jour la science et la technologie avancera encore un peu plus. Maintenant, parlons d'un robot qui résout un cube Rubik. Oui, c'est déjà arrivé, mais celui-là est quand même assez impressionnant avec vitesse et dextérité extrême. C'est le Cube Storm. Hein? Très bel effet ici. Ça dit que le robot Speed Cubing Lego Mindstorm RCX Speed Cubing Robot, c'est ça son long nom au complet. C'est construit à partir de blocs Lego avec une caméra web, une webcam, oui, qui scanne la face de chaque cube. Et il y a un moteur d'un algorithme, si on veut, mathématique pour essayer de compléter ça avec le logiciel Cube Explorer. Et là, il reconnaît les couleurs et puis ça prend moins de 20 fois pour résoudre un cube. Et apparemment, il y a la théorie là, qui dit qu'on peut résoudre n'importe quelle combinaison de cubes Rubik en dedans de 20 tours. Donc, c'est à peu près ce qu'il fait, lui, en moyenne, 20 tours des faces du cube Rubik. Bref, l'avancée technologique, encore une fois, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Assez beau de voir ce robot. Pour un être humain normal, je pense que c'est 20 ans d'habitude. 20 ans pour nous autres, ouais. Ça, puis les sudoku, c'est dur. Les sudoku. Moi, je trouve ça dur. On va continuer avec des chercheurs à l'université Kobe Gakuin du Japon, hein, qui se fie un petit peu, qui s'inspire de Wall-E, si on veut, avec leur chaise lévitante. Là. Ici, c'est un concept qui fonctionne presque comme une table de air hockey. Que tu dois aimer, toi, le air hockey? Pas particulièrement. Non, non, non. Donc, il y a une série de compresseurs à air qui sont montés sur le dessous d'une chaise. Donc, question, là, le air hockey, c'est comme du air guitar. Là, ouais, tu fais semblant de jouer au hockey dans la rue, mettons. Si ouais. Tu fais du air hockey, pas de bâton, c'est ça. Ouais. Moi, je vais être Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Tu vas être Wear Gretzky. Wayne Gretzky. Ça vole pas. Vole comme la chaise. Oh, on se peut plus aujourd'hui, c'est incroyable. Bon. Donc, la chaise qui a quand même beaucoup de problèmes pour l'instant, vu que c'est un concept, ça va sûrement s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant, ça dit que ça ne fonctionnerait pas sur des tapis, ni sur les fameux tapis tatami qu'ils ont au Japon. Je sais pas si c'est des tapis tatami au Japon, c'est bien populaire. Et aussi le fait que, de la façon que la chaise est faite, ça irait mal pour des terrains qui seraient pas plats, là, qui seraient pas complètement droits. Bref, la chaise n'est qu'un prototype pour l'instant et les chercheurs travaillent là-dessus. Il y a aussi une autre version, selon l'article de device.com, qui serait apparemment très japonaise. C'est que la chaise est remplacée par un tapis tatami et les gens doivent se promener avec leurs mains et faire glisser le tapis sur le plancher. C'est un peu moins robotisé, ça, mais bon, c'est une autre façon de se promener pour les gens qui ont de la misère avec leurs jambes, hein? Apparemment. Et on termine avec mon gadget préféré en lien avec les robots. C'est le Litter Robot, qui est une litière mécanique qui coûte 330$ et que votre chat va évidemment ignorer et faire comme il fait toujours. Là, je suis dans le coin, je sais pas trop quoi. Bref. Commentaire, un témoignage d'une fille sur un site web qui dit qu'elle devait retenir son chat presque parce qu'il voulait tout de suite y aller aussitôt qu'elle a commencé à installer cet appareil-là. Immédiatement, elle est entrée dans le Litter Robot et a commencé à faire ses besoins partout. J'ai même dû commander une deuxième litière pour mes autres chats parce qu'il voulait y aller les deux en même temps, genre. Bref, une litière qui... Pour son chum aussi, parce que lui aussi capotait tellement, il voulait l'utiliser. Genre. C'est ça, ton coloc, quelque chose du genre, ça pourrait être pas pire. Donc, tout l'appareil là, tourne sur à l'intérieur et puis filtre la litière, envoie, dépose les besoins dans un compartiment en dessous, là, sous l'appareil. C'est le Litter Robot, c'est très robotisé, très mécanique. J'adore ça. Et c'est une autre raison pour laquelle les robots seront nos maîtres un jour. Voilà donc pour nos amis les robots dans Cynix, Kiwan. Voilà. C'est ce qui conclut la chronique pour aujourd'hui. Ben oui, il y en aura une autre la semaine prochaine. Pas le jeudi maintenant. Okay. On n'en fait plus les chroniques le jeudi, il n'y en a pas. OK, mais on peut quand même t'écouter demain, jeudi matin, à 10h. 10h et 11h. Oui, je vais être là pour passer de la musique de jeux vidéo parce que je sais que t'aimes pas ça, donc tu vas pas écouter ça. Je fais ça juste pour toi. Bon, parfait. Ben, je vais être à l'écoute demain à 10h sur les ondes de C'est fou pour CNX.zip. As-tu déjà écouté de la musique de jeux vidéo dans CNX.zip? Non. Est-ce que tu penses que t'aimes ça? Ben, peut-être. Je sais pas. Faudrait que je t'en passe un moment donné à Assemblage Rocky, juste pour te teaser un peu. Ben, j'aime bien la musique 8-bit, mais ouais. J'imagine que c'est pas nécessairement ça, la musique de jeux vidéo. C'est souvent ça. Ouais. Ça peut être tellement de choses. En tout cas, soyez là demain à 10h et je vous en ferai entendre un peu du chiptune. Mais pour l'instant, on va entendre un groupe qui ne fait pas du chiptune. Non, ils font de la musique, disons, bonne. Je dirais que ce serait le qualificatif que j'utiliserais ici. Bonne. Ouais. C'est tout? C'est le seul qualificatif que. Ouais. Parfait, bien, on va les écouter. C'est Bravo Funkin, c'est un extrait du palmarès francophone. On va écouter la pièce Les animaux. Ouais. Ah, assemblage requis. Moi, je dis qu'elle est bonne. T'as d'autres mots pour ça, toi? Qu'est-ce que tu dirais comme qualificatif? Tu dirais excellente, quelque chose de vraiment fancy, comme genre original. Ben, moi, je me serais pas lancé premièrement dans cet exercice-là. Non, j'allais pas me lancer moi non plus, mais une fois que ça a commencé, c'était difficile d'arrêter, t'sais. On devrait dire aux gens qui sont à l'assemblage requis, juste pour être sûr. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma peur, on joue ensemble aux animaux. Les animaux de Bravo Funken, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou. Palmarès francophone de C'est fou qui est diffusé. J'allais bien jusque-là, ça allait très bien. Le jeudi entre 13h et 15h, ici même à C'est fou. Et c'est moi qui anime ça. Bon. Chanceux. Merci. Maintenant, tu sais quoi, Kiwan? Encore une fois, les incorrigibles sont pas encore avec nous. Sont jamais là, sont pas fiables, mais c'est pas grave. Ils sont occupés, les gars. Ben oui, c'est des jet-setters, ça. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même un matériel qu'on n'a jamais diffusé de leur part. Donc voici la chronique des incorrigibles. Nick, je ne suis pas ton père, mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Les incorrigibles! Bonjour, je suis Bubble Bob. Je suis le créateur du tout nouveau Rase et Détruit Tout 3000. Je suis ici pour vous présenter le tout nouveau rasoir tout en un à 11 lames. Vous en avez marre de vous raser les parties génitales avec un rasoir à 2 ou 3 lames? Eh bien, nous avons la solution parfaite. Ce tout nouveau rasoir à 11 lames va complètement changer votre vie. Vous pouvez désormais vous raser la barbe, les jambes, les bras, à la limite les yeux, tout ça en moins de 2 minutes 30 secondes. Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Eh oui, 2 minutes 30 secondes, c'est incroyable! Tenez-le pour dit, vous pouvez utiliser le tout nouveau Rase et Détruit Tout partout, tout. Dans la salle de bain, dans les files d'attente et même dans un bon bavin de mousse. C'est vrai. Le tout nouveau Rase et Détruit Tout 3000 est tout simplement fantastique. Il est même recommandé par plusieurs professionnels. Salut, je m'appelle Cindy Lafleur, puis je suis médecin depuis un petit bout là. En tout cas, ceux qui pensent que les blondes qui sont en médecine, c'est juste des cochonnes, eh bien, je veux juste vous dire que, ben, vous avez raison. J'adore le nouveau rasoir à 11 lames parce que je peux juste donner un coup pour que tout ça soit fait. Étant donné que je suis une fille qui a beaucoup, beaucoup de poils, eh bien, c'est quelque chose qui fait vraiment mon affaire, là. Cependant, ce n'est pas tout. Avec cet outil, vous pouvez faire bien plus que toute cette merde dont nous avons parlé précédemment. En plus de vous raser la barbe, les jambes, les bras, les yeux, vous pouvez maintenant décaper une table à pique-nique. Vous pouvez nettoyer votre barbecue. Et beaucoup plus. En fait, tout ce que vous n'avez jamais rêvé laver. Maintenant, allons voir un témoignage d'une cliente vraiment, vraiment, vraiment satisfaite. Christine, c'est à toi sur la une. Ah non, Christine, ne fais pas ta timide. Le Rase et Détruit Tout 3000 a complètement changé ma vie. Oh, mais pas seulement pour vous, Christine, car le Rase et Détruit Tout est sans contredit l'invention de l'année. De plus, vous êtes joueur de golf. Avec le Rase et Détruit Tout, vous pouvez désormais jouer. Vous préférez le tennis, mais pourquoi pas? Par contre, soyez prudent. La seule chose que vous ne pouvez pas faire avec le Rase et Détruit Tout, c'est de changer la roue de votre voiture. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez tout de même vous battre avec. Et si vous communiquez avec nous à l'intérieur des 10 prochaines secondes, vous n'obtiendrez non pas 2, non pas 3, mais 8 tout nouveaux rasoirs de 3000. Si par mégarde vous êtes malheureusement convaincu maintenant, eh bien nous allons faire le premier paiement pour vous. Alors ne perdez pas et procurez-vous-le dès maintenant. Pour seulement 15 paiements faciles de $99.99, eh bien oui, il est à vous. Allons donc, cessez d'agir en chuchote et communiquez avec nous dès maintenant. 1-800-666-6666. Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Les incorrigibles! Ah oui, les incorrigibles, toujours aussi matures! On aime ça, nous autres. On a plein de nouvelles, même s'ils sont pas avec nous pour en parler, on peut parler pour eux. De choses qui se passent avec eux, des conneries à dire. Nouveau site web qui s'en vient très bientôt, plus performant, plus blog et plus interactif. C'est ce qu'ils nous disent, ça va être en ligne bientôt, on sait pas quand, mais bon. Patrick Laperrière nous dit qu'il entre à l'école de l'humour en septembre. J'ai essayé de confirmer avec lui si c'est vraiment confirmé officiel ou est-ce qu'il s'est juste inscrit, mais il dit qu'il entre à l'école de l'humour en septembre, donc félicitations à lui, c'est génial. Vous avez peut-être entendu récemment ici à Assemblage Requis dans la chronique des Incorrigibles la parodie de l'Hebdob « Moi, je connais une chanson ». Ils ont encore besoin de monde d'ici le mois prochain, donc d'ici à peu près un mois. Allez sur la page Facebook « Les Incorrigibles » ou sinon allez sur lesincorrigibles.tv, « Incorrigibles » avec un Z au début, pour leur envoyer un courriel et pour leur demander de participer à leur Hebdob. Pat Laperrière est enceinte. Autre grosse nouvelle, je trouve assez considérable, on peut le voir sur Facebook en ce moment, il devrait accoucher d'un nouveau gag très bientôt avec l'équipe des Incorrigibles, donc j'imagine qu'il se les fait un après l'autre. Et c'est ça finit dans le ventre de Patrick Laperrière. OK, on sait pas c'est qui le père. Non, on sait pas encore, il va falloir demander à un talk show américain où les gens se pitchent des chaises pour le savoir. Bref, voilà pour les Incorrigibles. C'est les nouvelles qu'on a pour l'instant. On va vous tenir au courant et on espère avoir un des membres des Incorrigibles en studio un moment donné parce que je commence à croire qu'il n'existe plus, moi, là, là. Hein? Ouais, c'est comme le Père Noël. On en parle beaucoup, mais on les voit rarement. Et le monstre du Loch Ness. Pareil. Voilà. Sinon, ben nous, c'est aussi par le fait même la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On a quand même quelques petites choses à mentionner avant de terminer. On a des billets pour la conférence Le Ring de la vie qui a lieu le mercredi 24 mars à 19h à la salle Théo sur Genie Sugar à Trois-Rivières, présentée par le Centre de formation communautaire de Mauricie. Hein? Donc, on a ça à vous offrir. Si vous nous appelez au téléphone, hein? 819-376-5183. J'ai envie d'en lire un petit peu juste pour intéresser les gens. Ça nous dit que pour beaucoup de jeunes de la génération Y, la vie est une arène où il faut se battre pour gagner. Et certains développent la croyance que leur bonheur et le succès sont une question de hasard, de chance ou de malchance. La vie peut se résumer facilement, c'est faire des choix. Des choix de carrière, de personnalité, d'amis, d'amour, d'études et plus. Des décisions parfois difficiles qui ont des conséquences et qui nécessitent maturité, réflexion et courage. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir aller à cette conférence-là. Une conférence de David Bernard. Est-ce que tu sais qui est David Bernard? Non, je ne sais pas qui est David Bernard, dis-moi. Est-ce que tu connais la pensée négative, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui dit que quand on dit de ne pas faire quelque chose, la personne va le faire. Donc, si on me dit de ne pas dire que David Bernard ouvre des valises au banquier, ben, je vais nécessairement le dire. Ah, wow! Bel job, Kiwan. Voilà. Hey, tu suis avec la dernière porte à gauche dans quelques minutes, toi, hein? Oui, exactement. Je m'en viens là dans environ 2 minutes avec plein de bonne musique francophone. Bon, donc maintenant, si vous voulez des billets pour cette conférence, Le Ring de la vie, présentée par un gars qui ouvre des valises au banquier, on l'a appris. Téléphonez-nous au 819-376-5183 si vous parlez de quelqu'un qui a réussi sa carrière. 819-376-5183. Et bonne dernière porte à gauche, Kiwan.